Les belles rencontres. Bonjour, je me présente, je m'appelle Anne Bergeron, je suis une artiste peintre de Dadswell. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une excellente aquarelliste du Haut-Saint-François, Pierrette Roy, qui demeure à Dadswell, dans le secteur de Bishopton. Bonjour Pierrette. Bonjour Anne, ça me fait plaisir d'être ici. Mais moi aussi, beaucoup, de te connaître aussi davantage. D'accord. Oui. Alors, tu es une artiste qui peint à l'aquarelle. Mais quel fut l'élément déclencheur de ce genre de médium? Est-ce que tu as commencé juste par l'aquarelle ou si tu as essayé d'autres choses avant? C'est sûr que étant jeune, je crayonnais beaucoup, je dessinais, je coloriais et tout ça. T'étais déjà attirée vers ça? Oui, puis dans les années 80, j'ai touché à l'huile, j'ai pris des cours avec une dame portraitiste. Puis pour que tu puisses aller à l'huile, prendre des cours, c'est juste par ton initiative personnelle? Oui. OK. Puis ça m'a toujours attirée, fait que je voulais connaître un peu plus. J'ai eu accès à plein de techniques, plein de façons de faire, puis en même temps, je trouvais ça bien beau. Je trouve ça riche, l'huile. Oui. Mm-hmm. Je trouve que c'est des couleurs qui sont très riches, très éblouissantes. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans le sens de la spontanéité, de laisser de côté la reproduction, parce que je te portais beaucoup à reproduire ce que je voyais. Mais c'est une bonne chose aussi, parce que quand on commence à peindre, la reproduction, ça nous aide à faire de l'observation. Tout à fait. C'est très important, l'observation. Des fois, la neige est jamais blanche, ou des choses comme ça. C'est une bonne base. Oui. Ça prend, pas pour toutes les personnes, mais pour moi, ça a été une bonne base pour m'initier à connaître des principes, des techniques, etc. Puis même la complémentarité des couleurs, aussi. Oui, tout à fait, parce que c'est pas n'importe quelle couleur qui va avec l'autre. Non. Comme un chromatisme de couleurs. C'est ça, puis il faut que ça soit inspirant. Oui. Parce que ces couleurs, c'est ça qui capte l'œil en premier. Mm-hmm. Je pense qu'il faut que ça soit déjà inspirant ou très en harmonie. Oui. Et puis après, en même temps, quand on fait des choses comme ça, on peut savoir plus le point de vue. Donc, toutes ces choses-là sont nécessaires pour débuter. Je pense que oui. Oui. Fait que tu as commencé à l'huile. Oui. Puis après, est-ce que d'éléments déclencheurs pour pouvoir faire l'aquarelle, c'est pourquoi que tu as changé à l'aquarelle? Qu'est-ce que tu as ressenti pour faire ça? Je trouve que l'aquarelle, c'est transparent. Oui. Et j'ai vu que les gens travaillent beaucoup avec l'eau. J'aime beaucoup l'eau au départ. Mm-hmm. Beaucoup de spontanéité. Je pense que c'est le côté non contrôlant qu'on a au départ avec l'aquarelle. Okay. C'est ça dont j'avais besoin à un certain moment donné. Oui. Et ça, je l'ai... C'est ce que tu te retrouvais là-dedans? Oui, beaucoup plus. Parce que moi, pour moi, quand je fais de l'huile à la spatule, c'est assez texturé. J'ai déjà essayé l'aquarelle, mais je me sentais fondre. Mmh. Mais toi, ça te fait revivre ce genre de fluidité-là. Oui. Parce que les couleurs se mélangent, tu vois les formes. Oui, puis c'est imprévisible. Tu composes avec ce qui se présente à toi aussi. Oui. Souvent, mm-hmm. parce que tu peux vouloir faire une maison avec un arbre à côté, mm-hmm. mais quand tu mets l'aquarelle, bien, tu te retrouves parfois avec une maison un peu différente, puis l'arbre se change ou tu rajoutes telle chose parce que l'aquarelle amène d'autres vues de ta peinture. C'est ça fait découvrir d'autres choses que tu avais pensé au départ. Tout à fait. Tu composes avec ça. Oui. Et puis c'est comme vivre, autrement dit, vraiment un moment présent. Oui. Oui. Autrement dit. Donc, les sujets qui te parlent le plus pour peindre, comme quand tu as fait de l'huile, est-ce que c'était des paysages? As-tu fait d'autres choses? Il y avait plus de nature morte. Il y avait plus de nature morte dans l'huile. Et j'ai fait du portrait aussi. Mais il y avait beaucoup plus de nature morte que l'aquarelle. Pour moi, c'est beaucoup plus la nature, ce qui m'entourait. Il y a eu aussi des natures mortes que j'ai fait à l'aquarelle. Mais je trouvais que la lumière à l'extérieur était beaucoup plus représentatives, mm-hmm. quand on peint des choses, des paysages extérieurs, ou des fleurs, des bâtiments. Donc, tu pouvais peindre sur le motif, si oui. tu voulais? Ah oui. oui, tu pouvais aller dehors et peindre comme oui, ça. Oui, j'ai essayé ça avec oui. José Perrault. Ah oui, t'as pris des cours oui, avec José, cette expérience. Qui est maintenant décédé, malheureusement. Oui, c'est une artiste accomplie. Mm-hmm. C'était une artiste accomplie. Très inspirante, qui avait de la technique, mais en même temps, qui donnait beaucoup d'atmosphère à ses peintres. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça que j'aimais beaucoup chez elle. Mm-hmm. Alors, c'est elle qui t'a amené à peindre dehors sur le motif. Oui. Et puis à saisir l'atmosphère. Oui. Parce que c'est ça, je pense, d'après ce que j'ai vu de tes toiles, t'as beaucoup d'atmosphère. Ah, mais merci. C'est très... C'est important pour moi. Ça paraît, oui. oui. Puis en 2011, oui. j'ai eu un voyage en Corse ah, oui. avec le groupe d'aquarelle ah, oui. et José Perrault. Ah. Et là, on a vraiment peint à l'extérieur. Et les toiles que nous avons faites ou produites à ce moment-là étaient... Il y avait une lumière qu'on ne retrouve pas ici. Ici, au Québec, mmh. parce que là-bas, c'est du soleil. C'est ça. C'est tout à fait tout, différent. Tout l'environnement est différent. Ça doit être plus fort comme, oui. comme couleur. Oui. Ah, mm-hmm. mm. oh, bien ça, c'est une belle expérience. Ah oh, oui, j'ai beaucoup aimé. Ça a été l'élément déclencheur pour entreprendre vraiment des peintures à l'aquarelle. Et puis, comme ça, t'as pas vraiment besoin de modèle? Pas comme tel, mais pour m'inspirer, pour t'inspirer, moi. Pour aller ailleurs aussi dans, mm-hmm. dans l'imaginatif, dans la création. Je pense que j'ai besoin quand même d'un petit modèle. Oui, d'un point de départ. C'est ça, d'un point de départ qui t'inspire. Oui. Parce que des fois, on veut peindre, mais c'est le sujet qui, qui, que quand t'as une inspiration, tu peux faire même autour de cette inspiration-là, peut-être une dizaine de toiles qui vont toutes être différentes. Oui, c'est vrai. Comme des fleurs, oui. chaque fleur a sa personnalité. Puis en même temps, à un moment donné, tu fais des fleurs, tu peux pas dire, bon, mais c'est soit des tulipes, des cosmos vraiment déterminées parce qu'elles sont dans le vent ou peut-être ouais, des choses comme ça. Fait que mm-hmm. l'atmosphère est vraiment importante. Oui. Puis tu le rends bien. Bien, merci. quand tu commences à peindre devant ta toile, ou est-ce que tu peins sur du papier ou sur une toile? Sur du papier aquarelle. Sur du papier aquarelle. Ou je monte le papier aquarelle sur un faux cadre. OK, OK. Alors, c'est sur du papier. Quand oui. tu te retrouves devant ton papier, est-ce que tu fais un croquis, soit à côté ou dessus? Parfois dessus. Parfois dessus? Je suis pas portée beaucoup à en faire, à tout préparer à l'avance. J'ai besoin quand même d'un point de repère si j'ai mm-hmm. À placer quelques éléments, là, mais non, je fais pas de croquis avant. Okay. Mais je peux recommencer, par exemple, le même sujet, quelques fois, ça peut aller jusqu'à 4 fois là, avant qu'il soit... À ton goût. Oui. Et puis les autres sujets, tes 3 autres sujets, est-ce que tu les gardes ou est-ce que tu vas composer avec plus tard? Je peux composer avec plus tard, mais je les garde okay. pour un certain temps. Parfois, okay. j'en sors un, oui. puis à l'aquarelle, on peut quand même... Il y a des méthodes maintenant qui deviennent des multimédias, si on peut dire multimix, qu'on peut travailler pour réussir à reprendre l'aquarelle et à refaire quelque chose d'intéressant. Ah oui, oui ok. J'ai ça, découvert c'est... ça ah. tout dernièrement. Mm-hmm. Puis ça devient une toile multimédia à ce moment-là. Ok, comme medium mix. Oui, tout okay, à fait. Okay. C'est ça. Alors c'est ça, tu mets d'autres textures oui. pour pouvoir la retravailler. C'est ça. Tu peux rajouter des couleurs ou créer autre chose. Selon ce que tu oui. mets. Comme texture. Ça veut dire que tu fais beaucoup de choses à main levée, souvent? Oui. Tu fais des points de repère, mais c'est pas un dessin. Non, pas mm-hmm. nécessairement. Mm-hmm. Non. Tes sujets pour l'aquarelle, c'est beaucoup l'environnement. Est-ce que tu fais des bâtisses? Parce que tu aimes les paysages, mais tu fais pas de visage avec l'aquarelle? J'en ai fait quelques-uns, mais c'est difficile les visages. Ou bien... C'est sûr qu'un visage à l'aquarelle, c'est pas une reproduction d'un visage de quelqu'un. Faut pas s'attendre à ça. Par contre, on peut très bien créer, le reconnaître de par ah, sa oui, physionomie, d'accord. Oui, sa, c'est saisir, ouais. sa façon ouais. de se tenir, ou quoi que ce soit, ou des éléments qui sont mm-hmm. présents. Mais c'est beaucoup moins la nature. C'est sûr qu'il y a des bâtiments, des églises, souvent. Ah oui, j'aime bien reproduire les églises. C'est des éléments historiques aussi. Mais c'est ça, puis qu'éventuellement, il y en a même qui sont déjà détruites, mais qui changent de vocation, comme les vieilles bâtisses aussi, ou les granges. Oui, j'aime bien les choses qui ont de l'histoire. Mais on en fait partie maintenant, là, hein, ça change, puis on veut sauver ça. Tout à fait, puis ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Ce qui nous a amené à être ce qu'on est. Et donc, on a parlé un petit peu tantôt, puis je me suis rendu compte que ça fait très longtemps que tu peins. Oui, pas à temps complet, mais vraiment, j'avais toujours besoin de toucher à ça. Puis l'aquarelle me permettait aussi de laisser mon matériel, puis de reprendre un peu plus tard. Ah oui, ok. Ça, c'est quand même intéressant, parce qu'à l'huile, je crois qu'il faut, quand tu as des enfants ou quoi que ce soit, tu as ramassé, à moins que tu aies une pièce pour ça. Oui, c'est ça. Mais sinon, l'aquarelle est plus facilitant de ce côté-là. Ok, en plus de te rejoindre, toi, ça a donné ce côté pratique-là pour pouvoir continuer tout à faire. Tout à fait. Oui. Donc, ça fait depuis, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, depuis les années 80. 80, j'ai touché à l'huile. Oui. Et en 90, je me suis intéressée à l'aquarelle. J'avais besoin d'aller voir ce que ça donnait, l'aquarelle. J'ai trouvé ça difficile parce qu'on n'avait pas de contrôle sur l'aquarelle. Mm-hmm. Puis, mais par contre, depuis 80, là, j'ai toujours touché à ça. Même mon milieu de travail, le centre de réadaptation, m'a permis de m'exprimer dans ce domaine. Ah, c'est ça. Oui, j'ai pu faire 80 cartes. Ah, des petites aquarelles, et 80 pour Noël, qui se sont vendues pour la Fondation du Centre de réadaptation d'Esprit. Bravo! Ça a été une belle récompense. Ben merci, mais j'avais surtout la récompense d'avoir réalisé ça. Oui, puis d'avoir, tu sais, d'avoir de la reconnaissance des gens qui ont aimé ton... Et ça m'a permis d'aller un peu plus loin en prenant des cours d'aquarelle. En continuant. Oui. Est-ce que présentement, tu suis des cours? Oui, je suis des cours avec Mme Diane Bollard de Québec. Oui. J'aime beaucoup sa façon spontanée de travailler. De Québec, est-ce qu'elle se déplace? Non, je vais à Québec. Tu vas à Québec. Mais par contre, elle est venue donner un atelier il n'y a pas très longtemps à Sherbrooke. Ah oui. Et je fais partie du groupe de l'Aubel. Et puis, on l'a invité à venir donner un atelier aux personnes qui participent à ce groupe-là. Alors, j'ai suivi un cours avec elle et je la trouve très intéressante. Oui, je connais Diane Boilard. Ah, c'est une très bonne artiste. Oui. Mais je savais qu'elle exposait à Québec, mais je savais pas que tu te déplaçais pour Québec. C'est extraordinaire. C'est la passion. Oui. Mais c'est quand même, c'est pas toutes les semaines. Ça fait rien. C'est une vraie passion. Ah oui, ça vaut la peine. Ça vaut le déplacement. Elle répond à ce que je veux, aux avancements que je veux avoir dans ce domaine. Pour toi, est-ce que l'aquarelle va t'amener à aller vers d'autres avenues dans la peinture aussi? Pour toi, c'est vraiment là, défini que tu vas faire juste ça? C'est fort probable que ça va m'amener à d'autres avenues, mais je pense que ça va quand même me ramener à ce que je suis vraiment. Okay. J'ai l'impression que tout ce qu'on connaît, qu'on apprend, qu'on saisit des occasions qui se présentent, nous amène à voir autre chose. Oui. Mais ça nous amène en même temps à nous définir. J'ai vraiment l'impression de ça. Puis, parfois, on peut être dans un médium qui répond tout le temps à ce qui nous convient. Peut-être que c'est ça, mais en même temps, je découvre qu'avec l'aquarelle, on peut devenir médium mixte. Alors, ça me permet de connaître autre chose, d'expérimenter autre chose. Mais il me semble qu'on revient toujours à ce qu'on est vraiment. Ah, c'est bien. C'est une belle conclusion. Bon, ok. Mais merci beaucoup, Pierrette, pour cet entretien et de ta généreuse collaboration. C'est une belle découverte et un grand plaisir de te connaître davantage, ce qui me donne le goût d'admirer tes magnifiques œuvres artistiques. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Moi aussi. À la prochaine. Merci beaucoup.